Curiosité déplacée, au pluriel. Oui, moi, je veux savoir. Parler. Pourquoi ces choses? Où chercher le témoin de tout? Car l'univers garde un cœur quelque part en ses métamorphoses. Mais nous n'avons qu'un coin des immenses déserts. Un coin. Et tout là-bas, déroulement d'espaces à l'infini, peuple de frères plus heureux, qui ne retrouveront pas même, un jour, nos traces, quand ils voyageront à leur tour par ces lieux. Et j'interroge encore, fou d'angoisse et de doute, car il est une énigme au moins. J'attends, j'attends. Rien. J'écoute tomber les heures, goutte à goutte. Mais je puis mourir, moi. Nul n'attendrit le temps. Mourir, n'être plus rien, rentrer dans le silence, avoir jugé les cieux et s'en aller sans bruit, pour jamais, sans savoir. Tout est donc en démence. Mais qui donc a tiré l'univers de la nuit ?